Eyoua, l'Ikhwa ou l'Akhawat, l'Islam, mes frères et mes sœurs en Islam, ça, l'an atakallama fissira, hala istitnaïa, l'an atakallama fissira al-yom. Donc, d'une façon exceptionnelle, je ne vais pas aborder la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ولكن سأتكلم في موضوع أراه مهما في هذا الوقت. Mais à la place, je vais parler d'un sujet que je trouve intéressant et important à notre époque. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. La louange est à Dieu, Seigneur des univers. Al-Malik, le roi. Al-Quddus, le sacro-saint. Al-Salam, le salut. Al-Mu'min, le garant. Al-Muhaymin, le prédominant. Al-Aziz, le noble tout-puissant. Al-Jabbar, le réformateur et contraignant. Al-Mutakabbir, le très fier. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين. Et j'atteste qu'il n'y a aucune divinité à part Dieu, tuteur des vertueux. خرج سليمان ابن داوود عليه السلام يستسقي. Salomon, fils de David, que les prières et les salutations soient sur les deux, est sorti une fois pour faire une prière collective afin de demander à Dieu la pluie. فإذا هو بنملة مستلقية على ظهرها. Et il a remarqué dans son chemin une fourmi allongée sur son dos, رافعة قوائمها إلى السماء, levant ses pattes vers le ciel, وهي تقول, et qui disait, النملة, la fourmi disait, اللهم Inna khalqun min khalqik. Ô Seigneur, nous sommes une création parmi ta création. Wala ghina bina an suqiyak. Et on est incapable de vivre sans ta pluie. Wa illa tasqina tahlikna. Dans le cas où tu nous en prives, tu nous extermines. Faqala Sulayman, Salomon a dit, il a dit à son peuple, ارجعوا, rebroussez chemin. فقد سقيتم بدعوة غيركم. Vous aurez la pluie grâce à une prière ou une invocation d'autrui. رواه ابن أبي حاتم, rapporté par l'imam ابن أبي حاتم. نملة تتكلم مع ملك الكون. Une fourmi qui parlait avec le roi de l'univers. Namla tatakallam ma'a rabbil alamin. Une fourmi qui parlait avec le Seigneur des univers. Man 'allama an-namlata ad-du'a. Qui a enseigné à la fourmi l'invocation? Man 'allama an-namlata an tarfa'a qawa'imaha aydiha ila as-sama' 'inda ad-du'a. Qui a enseigné à la fourmi de lever ses mains ou ses pattes vers le ciel lors de l'invocation. La ilaha illallah. Il n'y a aucune divinité à part Dieu. Namla tatakallam ma'allah. Une fourmi qui parle avec Allah. Akhi, ukhti, frère, sœur. Hal tatakallamu anta ma'allah. Est-ce que toi, homme ou femme, tu parles avec Dieu? واشهد ان سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله الصادق الامين. Et j'atteste que notre maître et bien-aimé Muhammad est l'envoyé de Dieu sincère et véridique. قال صلى الله عليه وسلم جددوا ايمانكم. وهذا ما نفعل اليوم. Le prophète prière et sa lui dit renouvelez votre foi. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. On essaie de renouveler notre foi. Qila ya Rasulallah, kayfa nujaddidu imanana. On lui dit au messager de Dieu, comment doit-on faire pour renouveler la foi? Qala sallallahu alayhi wa sallam, akthiru min qawli la ilaha illallah. Il leur dit, prononçait en abondance la formule « Il n'y a aucune divinité à part Allah » rawahu l'imam Ahmed ou al-Tabarani, rapporté par l'imam Ahmed et l'imam al-Tabarani. Sayyidi, Amir al-Anbiya, maître, émir des prophètes, sallallahu alayka, adada nujoum al-sama, que les prières de Dieu soient pour toi au nom des étoiles du ciel, wa rimal al-sahra, et au nom des sables du désert, wa awladi adama wa hawa, et au nom de la descendance d'Adam et Ève, amma ba'd, ayyuha al-ikhwat wa al-akhawat fi l'islam. Après ceci, mes frères, mes sœurs, en islam, Ahbab al-Habib Muhammadin al-Mustafa, alayhi afdalu salati wa azka salam, très cher ou bien-aimé Muhammad al-Mustafa, pour lequel on demande les meilleures prières et les hautes salutations. Innana al-an fi fasl al-rabi'. On est actuellement dans la saison du printemps. Wa ba'da qalil, après peu, ستعود الخضرة إلى الأرض والأشجار. La verdure, les arbres, ou la verdure va revenir pour habiller le sol de la terre et les arbres. وسيعود اللون الأزرق إلى السماء. Et la couleur bleue va revenir au ciel. وستزين الأزهار وجه الأرض من جديد. Et les fleurs, les roses, vont embellir de nouveau la surface du globe. Les gens vont sortir pour se diriger de nouveau vers les montagnes, vers les forêts, vers les parcs, vers les plages, vers les fleuves. Afin de jouir de la beauté de la nature pendant la saison du printemps, fi fasl al-rabi'. Salil wahat al-khadra'a wal ma'a jariya. Interroge l'oasis verte et l'eau courante. Wa hadhihi al-sahara wal jibal al-rawasiya. Et ces déserts et ces montagnes immobiles. Salil rawda muzdanan. Interroge le parc embelli. Sali zahra wa nada. Interroge la fleur et la rose. Sali l'ayla wa l'isbaha wa t'ayra shadia. Interroge la nuit, le matin et l'oiseau chanteur. Sali hadhihi l'ansama wa l'arda wa s'ama. Interroge l'air, la terre et le ciel. Wa sali kull shay'in. Et interroge toute chose. Tasma'u l'hamd sariya. Et tu entendras la louange répandue. فَلَوْ جَنَّ هَذَا اللَّيْلُ وَمْتَدَّ سَرْمَدَا. Dans le cas où cette nuit tombée perdure sans fin. فَمَنْ غَيْرُ رَبِّي يُرْجِعُ الصُّبْحَ ثَانِيَةً. À part mon Seigneur, qui pourra-t-il faire renaître le matin? سَلِ الْوَاحَةَ الْخَضْرَاءَ وَالْمَاءَ جَارِيَةً. وهذه الصحارى والجبال الرواسية. سل الروض مزدانا. سل الزهر والندى. سل الليل والإصباح والطير شاديا. سل هذه الأنسام والأرض والسماء. وسل كل شيء تسمع الحمد ساريا. فلو جن هذا الليل وامتد صرمدا. فمن غير ربي يرجع الصبح ثانية. لا إله إلا الله. Il n'y a aucune divinité à part Allah. أخي أختي frère sœur, بمناسبة فصل الربيع, à l'occasion de la saison du printemps, فصل الطبيعة الجميلة, la saison de la belle nature, أحب اليوم أن أذكركم بما قاله القرآن عن الطبيعة. J'aime vous rappeler aujourd'hui de ce que le Coran a dit à propos de la nature. Le musulman est de nature écologique. Le musulman est de nature, aime la nature et respecte la nature. Et aujourd'hui, on va voir ce que le Coran, le livre sacré des musulmans, dit à propos de la nature. Et comment il nous sensibilise à aimer et à respecter la nature. يعني المسلم بطبيعته ايكولوجي يحترم الطبيعة, يحب الطبيعة, يحب جمال الطبيعة. جمال الطبيعة آتي من جمال الله, من جمال الخالق الخلاق. المسلم ما يحتاج حتى يقول أسمي نفسي إيكولوجي ليكون إيكولوجي، هو مسلم هو إيكولوجي بطبيعة حاله. سأذكر بثلاث نقاط، je vais rappeler trois points. النقطة الأولى الصلاة والسجود، le premier point la prière et la prosternation. كل ما في الطبيعة toute chose qui existe dans la nature, كل العالم tout le monde, كل الكون tout l'univers وما فيه et tout ce qu'il y a dans l'univers يسجد لله se prosterne devant Allah. قال تعالى Allah le créateur dit nous informe de l'inconnu qu'on ne connaît pas qu'on ne voit pas. يقول il dit dans un verset coranique ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها إما طوعا وإما كرها طوعا وكرها وظلالهم بالغدو ولا صال. حتى الظل، الظل هذا الظل حائط له ظل شجرة لها ظل، حتى الظل يسجد لله تعالى وتبارك لما تراه ممتدا لا إله إلا الله. À Dieu se prosternent ceux qui sont dans les cieux et en terre de gré ou de force ainsi que leurs ombres au début du jour et à son déclin. كل من في السماوات tous ceux qui sont dans les cieux وكل من في الأرض يسجدون لله et tous ceux qui sont en terre se prosternent à Dieu للملك يسجدون للملك se prosternent au roi إما طوعا وإما كرها soit de gré ou soit de force وسنشرح ذلك فيما بعد et on va expliquer cela par la suite. كل هؤلاء ظلالهم تسجد لله tout ce que nous avons dit leur ombre se prosterne à Dieu et surtout chaque matin et chaque soir lorsque l'ombre devient longue lorsque tu vois l'ombre et nous on aime l'ombre et surtout en été et on demande à Dieu de nous couvrir par son ombre le jour où il n'y aura aucune ombre à part la sienne. On نسأل الله أن يظلنا بظله يوم لا ظل إلا ظله. لما ترى الظل lorsque tu vois l'ombre فاعلم بأنه ساجد لله. À chaque fois mon frère ou ma sœur le musulman la musulmane que tu vois l'ombre sache que l'ombre est en train de se prosterner à Allah. والسجود هو الخضوع والاستسلام et la prosternation là signifie l'obéissance et la soumission. Subhanallah, gloire et pureté à Allah. Tara insanan sajidan li sanam. Tu remarques, tu vois un homme, un individu qui se prosterne devant une idole. Sanam min al-hajar, une idole de pierre. Il se prosterne devant l'idole. Il refuse de se prosterner à Allah. Il se prosterne à l'idole. Wa dhilluhu bi janibihi sajidun lillah. Mais son ombre à lui, à côté de lui, refuse de se prosterner à l'idole. Son ombre se prosterne à Allah lorsque le monsieur ou la dame se prosterne à l'idole. La ilaha illallah, il n'y a aucune divinité à part Allah. Insan muslim, un homme musulman, la yusalli wa la yasjud, qui ne se prosterne pas, qui ne prie pas, qui ne fait pas la prière, walakin nadhillahu yusalli wa yasjud. Mais son ombre se prosterne malgré lui. C'est ça de force. Malgré lui, son ombre, lui, il refuse, mais son ombre ne peut pas refuser. Son ombre se prosterne à Allah et prie devant Dieu. Rabbana yaqulu qa'ilun. Peut-être quelqu'un va se poser la question, كيف يسجد الكافر لله وهو غير مسلم. Peut-être quelqu'un va se poser la question, comment le non-musulman se prosterne-t-il à Allah, malgré qu'il n'est pas musulman, al-jawab, la réponse, kullu ma fil kawn, toute chose qui existe dans l'univers de Dieu, kullu ma fi mamlakatillahi muslim, toute chose qui appartient, qui existe dans le royaume de Dieu, est musulmane de nature. قال تعالى, Dieu dit dans un verset coranique, وَلَهُ لِلَّهُ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا. À Dieu se sont soumis, à Dieu se sont déclarés musulmans de gré et de force tous ceux qui sont dans les cieux et en terre. Donc tous sont des musulmans. الإسلام كره لله, l'islam de force à Dieu, la soumission de force à Dieu, هو الاستسلام لقوانينه في مملكته, et le fait de se soumettre aux lois qui gèrent le royaume de Dieu, aux lois imposées par Dieu dans son royaume à toute personne, à toute chose qui veut exister dans son royaume. La Bouddha anta kul, il t'est imposé, tu es obligé pour vivre de manger. Ça, c'est une loi. Qui peut vivre sans manger? Le musulman ou le non-musulman mange pour vivre. Donc, tout le monde est soumis à Dieu. Tout le monde s'est soumis à cette obligation de manger. Donc, tout le monde est musulman. La Bouddha anta tanaffas, il t'est nécessaire, il t'est de respirer. La loi de la respiration. Tout le monde est musulman en ce qui concerne la respiration. Al-kullu muslim, al-kullu istaslam. Tout le monde s'est soumis à la respiration. Tu respires pas, tu meurs. La budda an tashrab al-ma. Il t'est nécessaire de boire l'eau. Tu es musulman de force là. Tu ne peux pas vivre sans boire l'eau. Tamra, tu tombes malade. Tu ne choisis pas. De force, tu tombes malade. Et personne ne peut échapper à la maladie. Donc, tout le monde est musulman devant la maladie. Tamur min shabab ila shaykhoukha. Tout le monde passe par une période de jeunesse vers une période de vieillesse. Une soumission. Personne ne dit, moi, je reste jeune. Tamut. Tout le monde meurt. Tout le monde décède. Tout le monde est soumis à la mort. Donc tout le monde est musulman devant Dieu en ce qui concerne la mort. Personne ne peut rester éternellement, il a akhiré, etc. كل هذه أمور أنت مكره عليها. Dans tous ces domaines, ou tout ce que je viens de dire, ou toutes ces choses te sont imposées. ليست من اختيارك, ne relève pas de ton choix. تستسلم لله رغم عنك ولو كنت غير مسلم. Tu te soumets à Dieu malgré toi, de force, même si tu n'es pas musulman. Tu manges, tu bois, tu respires, tu meurs. Tu passes par la jeunesse, tu passes par la vieillesse. هذا هو الإسلام الإجباري. Tel est l'islam de contrainte. Tout le monde est musulman par contrainte. كل الناس مسلمون. Tous les gens sont musulmans. وهذا الإسلام لا يدخل للجنة. Cet islam ne fait pas entrer au paradis parce que c'est un islam de contrainte. C'est pas un islam de choix. وهناك إسلام اختياري. Et à côté de cet islam de contrainte, il y a un islam de choix. طوعي. Un islam volontaire. هذا الإسلام يدخل للجنة. L'islam volontaire, l'islam de choix, l'islam de bon gré fait entrer au paradis. ونعود إلى السجود. Et on revient vers la prosternation. رأينا سجود الجن والملائكة. Nous avons vu la prosternation des djinns et des anges. Nous avons vu la prosternation des humains. Maintenant, on va élargir. On va voir la prosternation des bêtes, des animaux, de toute chose qui bouge dans ce monde. رأينا سجود الملائكة, سجود الجن, رأينا من في السماء ومن في الأرض. الآن نوسع لنرى جنود البهائم, سجود البهائم, سجود الحيوانات. قال تعالى, le Créateur Allah dit, أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله، الظلال عن اليمين والشمال تسجد لله، سجدا لله وهم داخرون. Ne voit-il donc pas toutes les choses que Dieu a créées, comment leur ombre s'étend tantôt à droite et tantôt à gauche, prosternées à Dieu en toute soumission et humilité. ومن بعد يقول par la suite Dieu dit ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من داب من داب الدابة فيها البهائم وفيها الإنسان، الإنسان داب لها عقل تدب دابة يعني تمشي، الإنسان يمشي. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة حتى الملائكة تسجد وهم لا يستكبرون. À Dieu se prosterne tout ce qui bouge comme être vivant dans les cieux et en terre, ainsi que les anges, sans jamais s'y refuser par orgueil. الآن نتوسع لنرى سجود الجماد. Maintenant, on va élargir encore plus pour voir la prosternation de la matière immobile, la matière non vivante dans laquelle il n'y a pas de vie, la matière inerte. Nous avons vu la prosternation des anges, des hommes, des djinns, la prosternation des animaux maintenant qui bougent. Maintenant, on va voir la matière qui ne bouge pas. Elle aussi, Dieu dit qu'elle se prosterne à lui. قال تعالى Dieu le Créateur dit ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض ذكر بما مضى والآن يعطينا أمور أخرى لا نعرفها والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. الكثير الآخر الذي رفض طوعا هذا حق عليه العذاب. Ne vois-tu pas qu'à Dieu se prosterne ceux qui sont dans les cieux et ceux qui sont en terre, de même que le soleil, la lune, les étoiles, les montagnes, les arbres, les animaux et plusieurs parmi les humains, tandis que plusieurs ont justement mérité le châtiment. وهكذا فكل شيء يسجد لله. Ainsi toute chose se prosterne devant Allah. من النملة إلى الفيل, à partir de la fourmi jusqu'à l'éléphant. من الحجر إلى الشجر, à partir de la petite pierre jusqu'au grand arbre. من الذرة إلى المجرة, à partir de l'atome ou l'électron jusqu'à la galaxie. La ilaha illallah, il n'y a aucune divinité à part Allah. النقطة الثانية, nous avons vu la prosternation. الآن نرى رأينا السجود الآن نرى شيئا آخر تفعله الطبيعة. Nous avons vu maintenant grâce à ces versets coraniques que la nature dans sa totalité se prosterne devant Allah. Et maintenant on va voir dans ce deuxième point autre chose faite par la nature. الذكرو والتسبيح, l'évocation et la déclamation. كل شيء موجود في الكون, toute chose qui existe dans l'univers, في مملكة الله, dans le royaume de Dieu, يذكر ويسبح الله, évoque et proclame la gloire et la pureté de Dieu. قال تعالى, Dieu dit, يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن, من في السماوات ومن في الأرض ومن فوق الأرض, الكل يسبح لله. يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن, les sept cieux proclament sa gloire, ainsi que la terre et tous ceux qui s'y trouvent, c'est-à-dire dans les cieux ou dans la terre ou sur la terre. وإن من شيء ما في شيء ترى لا يسبح, هذا يسبح لله تعالى وتبارك, هذه تسبح لله تعالى وتبارك, كل شيء. الله يقول وإن من شيء إلا يسبح بحمده, يقول سبحان الله وبحمده وإن من شيء إلا يسبح بحمده il n'est rien qui ne proclame sa louange. Toute chose proclame sa louange. ولكن يقول الله ولكن لا تفقهون تسبيحهم. هم يسبحون وأنتم لا تسمعون. لا تفهمون ولكن لا تفقهون تسبيحهم mais vous ne comprenez pas leur déclamation. Il n'est rien qui ne proclame sa louange mais vous ne comprenez pas leur déclamation. إنه كان حليما غفورا. Il est essentiellement plein de mansuétude et infiniment absoluteur. الرمل يسبح. Le sable proclame sa gloire. الزهر يسبح. La fleur proclame sa gloire. النمل يسبح. La fourmi proclame sa gloire. النحل يسبح. L'abeille proclame sa gloire. الضفدع تسبح. La grenouille proclame sa gloire. البحر والموج يسبحان. La mer, les vagues proclament sa gloire. الحوت الكبير والصغير يسبح. يسبحون. Le grand poisson comme la baleine ou les petits poissons proclament sa gloire. الشجر يسبح. Les arbres proclament sa gloire. الجبل يسبح. La montagne proclame sa gloire. Même la montagne du volcan d'Islande proclame sa gloire. السحاب يسبح. Les nuages proclament sa gloire. Quand tu vois les nuages passer dans le ciel, ils ont une déclamation qu'on n'entend pas ou qu'on ne comprend pas. قال تعالى, Dieu dit dans un verset coranique, ويسبح الرعد بحمده. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. Le tonnerre déclame sa gloire et sa louange ainsi que les anges sous l'effet de sa crainte. كل شيء يسبح لله ونحن هؤلاء الصغار ها البشر الضعيف لا يسبح. Tout le monde autour de nous proclame la gloire de Dieu et nous ces humains minuscules on oublie de glorifier Dieu subhanahu wa ta'ala, de proclamer sa louange. Wa qala ta'ala, Dieu dit dans un autre verset coranique, wa sakharna ma'a Daoud al-jibala yusabbihna wat-tayr. Nous avons mis les montagnes et les oiseaux au service de David. Avec lui, il proclamait la gloire et la pureté de Dieu. Wa kunna fa'ilin, et nous en sommes capables. وقال تعالى اي Dieu dit dans un autre verset coranique الم ترى ان الله يسبح له من في السماوات والارض والطير صافات. الطير لما تفعل هكذا في السماء تسبح لله تعالى وتبارك. الم ترى ان الله يسبح له من في السماوات والارض والطير صافات. Ne vois-tu pas que Dieu est l'objet des attestations de gloire et de pureté faites sans cesse par ceux qui sont dans les cieux et en terre, et même que les oiseaux qui étendent leurs ailes. كلٌ يقول الله Dieu dit dans la suite كلٌ قد علم صلاته وتسبيحه. Chacun a su effectivement sa façon de prier Dieu et de proclamer sa gloire et sa pureté. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ. Et Dieu sait parfaitement ce qu'ils font. إِذَا كَانَ اللَّهُ يَعْلَمْ تَسْبِيحَ الشَّجَرِ وَيَعْلَمْ تَسْبِيحَ النَّمْلِ وَتَسْبِيحَ الطَّيِّرِ أَلَا يَعْلَمُ تَسْبِيحَكَ يَا مُسْلِمِ. لما تقول وأنت بعقلك وأنت بلسانك تقول سبحان الله وبحمده تخرجها من قلبك. Dans le cas où nous avons vu que Dieu est au courant et sait la déclamation de toutes choses parmi les arbres, les fourmis, etc. Est-ce qu'il ne sait pas lorsque toi l'homme doué d'intelligence, doué d'une langue, doué d'une parole, quand tu dis gloire et pureté à Allah et louange est à lui. يعلم صلاة المصلي حين يصلي ويسجد. كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. يعلم صلاة المصلي حين يصلي ويسجد. Dieu sait ou connaît la prière du prieur quand celui-ci prie ou se prosterne. سواء كان حجرا, soit qu'il soit une pierre, أو شجرا, ou qu'il soit un arbre, أو طيرا, ou qu'il soit un oiseau, أو حيوانا, ou qu'il soit un animal, أو كان مسلما وقف في جوف الليل عند نيام الناس يصلي. Ou qu'il soit un musulman pendant le milieu de la nuit, lorsque tout le monde dort, lui il est en train face à son Seigneur d'accomplir sa prière. La ilaha illallah. كل علمه الله كيف يصلي ويسبح. Dieu a appris à chacun comment doit-il prier et proclamer sa gloire. Min al-dharra ila al-majarra, à partir de l'atome jusqu'à la galaxie. Wa ya'lamu tasbih al-musabbih hina yusabbih. Et Dieu connaît, sait la déclamation de celui qui proclame sa gloire quand il le fait. La ilaha illallah. Ash-shamsu wal-badru min anwari hikmatihi. Le soleil et la lune font partie des lumières de sa sagesse. Wal-barru wal-bahru faydun min atayahu. La terre et la mer sont une abondance de ses dons. At-tayru sabbahahu. Les volatiles proclament sa gloire et pureté. Wal-wahshu qaddasahu. Les fauves le sacralisent. Al-mawju kabbarahu. Les vagues proclame sa grandeur. Et les poissons le prient avec ferveur. Et les fourmis en dessous des pierres le glorifient. Les abeilles dans leur ruche, chantent fort sa louange. Et les gens lui désobéissent publiquement et ils ne le dévoile pas. وَالْعَبْدُ يَنْسَى وَرَبِّي لَيْسَ يَنْسَاهُ. Et le serviteur oublie et mon Seigneur ne l'oublie jamais. La ilaha illallah. Il n'y a aucune divinité à part Dieu. الشَّمْسُ وَالْبَدْرُ مِنْ أَنْوَارِ حِكْمَتِهِ وَالْبَرُّ وَالْبَحْرُ فَيْضٌ مِنْ عَطَايَاهُ الطَّيْرُ سَبَّحَهُ والوحش قدسه والموج كبره والحوت ناجاه والنمل تحت الصخور مجده والنحل يهتف حمدا في خلاياه هذه الحيوانات والناس يعصونه جهرا فيسترهم والعبد ينسى وربي ليس ينساه حتى الطعام الذي نأكل يسبح لله. Même le repas, même la nourriture qu'on prend, qu'on mange, proclame la gloire à son Seigneur. كانوا الصحابة يسمعون تسبيح الطعام وهو يؤكل رواه الإمام البخاري والترمذي. Les compagnons du prophète, que Dieu soit satisfait d'eux et que la prière soit sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, entendaient la déclamation de repas lorsqu'on le mangeait, rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam al-Tirmidhi. Laysa tasbih al-ta'am huwa al-mu'jiza. La déclamation du repas ou du manger n'est pas un miracle, parce que toute chose dans le monde proclame la gloire à Dieu. Laysa mu'jiza lana kull shay wa in min shay'in illa yusabbihu lillah. Walakin al-mu'jiza أن الصحابة سمعوا تسبيح الطعام هذه المعجزة. Mais le miracle c'est que les compagnons ont entendu la déclamation du repas. أن الله أسمعهم. Le miracle c'est que Dieu leur a fait entendre quelque chose que l'homme n'arrive pas à entendre naturellement. Sinon, le repas, comme toute chose, proclame la gloire de Dieu. Les montagnes, les volatiles, les oiseaux qui ont proclamé la gloire avec David, prière et saïe sur lui, ceci n'était pas un miracle. Le miracle n'était pas que les montagnes ou les volatiles ont proclamé la gloire de Dieu. فهي دائما تسبح. Les montagnes et les volatiles proclament toujours la gloire de Dieu. Al-mu'jiza anna Daoud alayhi salam sami'a tasbih al-jibal wa tasbih al-tuyur. Le miracle c'était que David, prière et sa souris, a entendu grâce à Dieu la déclamation faite par les montagnes et la déclamation faite par les oiseaux. Et maintenant je passe au troisième point. Nous avons vu la prosternation de la nature, nous avons vu la déclamation faite par la nature à Allah. Maintenant on va voir un point énorme, plus que la prosternation, qui est plus grand que la déclamation, c'est la perception de la nature, la compréhension de la nature des choses qui l'entourent. الناس تظن أن الطبيعة حيوانات وأشجارا وجمادا لا تفهم ولا تدرك شيئا. Les gens pensent que la nature, soit des animaux, des arbres, matière inerte, cette nature ne comprend rien et ne perçoit rien. يعني اقتل حشرة, tue un insecte. Enza nabtan, des racines, une plante, c'est pas grave. وهذا خطأ, mais là c'est une erreur. الطبيعة أعطاها الله إدراكا خاصا بها. La nature, Dieu lui a donné une perception propre à elle. وأعطي الأدلة على ذلك. Et maintenant je donne les arguments qui prouvent cela. وأبدأ أولا بالحيوانات. Je commence d'abord par les animaux. قال تعالى, Dieu dit à propos, وقال يعني سليمان, وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء. منطق الطير هي لغة الطير التي يتفاهم بها الطير, معنى الطير له لغة يتفاهم يفهم. Il dit, ça veut dire Salomon, aux gens, on nous a enseigné le langage des oiseaux. Ça veut dire les oiseaux ont un langage avec lequel ils se comprennent. Le langage des oiseaux. Et on nous a donné part de toutes choses. Donc les animaux, les oiseaux possèdent un langage de communication entre eux afin qu'ils comprennent, qu'ils se comprennent. Al-Mithal. Al-Awwal, je donne le premier exemple. Qala ta'ala, Dieu dit, al-mithal al-awwal an-namla, le premier exemple, la fourmi. Qala ta'ala, Dieu dit dans un verset coranique, qalat namlatun ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulayman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Une fourmi dit, alors, ô fourmis, rentrez dans vos habitations, sinon Salomon et ses troupes vous écraseraient sans s'en rendre compte. Namlatara jayshan, une fourmi a vu de loin une armée. Fata'arif annahu jayish Sulayman alayhi salam. La fourmi a compris que c'est l'armée, les troupes de Salomon, prière. Thumma tukhbir an-naml bidhalik. La fourmi, c'est comme des hommes, subhanallah. Après, la fourmi informe les autres fourmis de ce qu'elle a vu. Wa ta'muruhum bit-takhabbu. Elle leur ordonne de se cacher. Wa tiltamis al-'udhr li Sulayman wa junudihi annahum sayuhattimunahum min ghayri shu'ur. Et la fourmi trouve l'excuse pour Salomon et ses troupes, comme quoi ils vont les écraser inconsciemment, wa laysa dhulman, et non pas par injustice. Nam la ta'rif kull hadha. Une fourmi connaissait tout cela. Fama baluk bil hirra. Que dire de la chatte? Si la fourmi connaît cela, que dire de la chatte? فما بالك بالكلب, que dire de la chienne? فما بالك بالبقرة, que dire de la vache? إلى آخر. فما بالك بالحوت, que dire de la baleine? إلى آخر, etc. المثال الثاني, le deuxième exemple, الهدهد, la huppe. الذي قال لسليمان في آية قرآنية qui a dit à Salomon dans un verset coranique أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. J'ai embrassé de mon savoir ce qui a échappé au tien. La U parle avec Salomon. Je sais ce que toi, le prophète, tu ne sais pas. Al-Hudud dit, قل للنبي سليمان أنا أعرف ما لا تعرف يا نبي. هكذا يقول في الآية هذا هدهد. طيب لا تضرب له حسابا. J'ai embrassé de mon savoir ce qui a échappé au tien et je te rapporte de Saba, c'est-à-dire la ville de Saba, une nouvelle sûre. Ta'ir sagir, un petit oiseau. Yu'allim nabiyan, va enseigner, va faire apprendre à un prophète. Ma la ya'rifu nabi, ce que le prophète ne savait pas. Kama 'allama fil madi ghurab ibn adam alayhi salam kayfa Kaifa Yadvin. Aha, exactement comme dans le passé très lointain, un corbeau a enseigné au fils d'un prophète Adam prière et s'agit comment doit-il faire pour enterrer son frère mort. Et tout cela nous enseigne l'humilité. فهناك من المخلوقات الصغيرة التي لا تعرف التي تعرف ما لا نعرف. Il y a parmi les petites créatures que Dieu a créées des créatures qui savent ce que nous savons pas. هذا ألا يعلمنا أن نحترم النملة. Cela est-ce qu'il nous enseigne pas de respecter la fourmi? ألا يعلمنا أن نحترم النحلة. Cela ne nous enseigne pas de respecter l'abeille, etc. هذا الإسلام, tel est l'islam. يقول الهدهد لسليمان في آية قرآنية. La huppe dit à Salomon dans un verset coranique. Et Dieu a voulu marquer cela dans un verset coranique pour qu'il s'éternise jusqu'à la fin des temps, pour que les gens sachent que la huppe a une perception. إني وجدت امرأة من لما تسمع الكلام كأن رجل يتكلم. إني وجدت امرأة, هذا رجل يتكلم وليس طير. تقول واحد طير وما يكونش مؤمن يهبل, يقول لك تكذب. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء. رجل يتكلم وليس الهدهد. J'ai trouvé, lorsque j'entends j'ai trouvé, je pense que c'est un homme qui parle. Et c'est pas une huppe. J'ai trouvé qu'ils avaient pour roi une femme dotée de toutes sortes d'avantages et qu'elle avait un trône superbe. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم. من المتكلم؟ الهدهد. وزي الهدهد يقول وزين لهم الهدهد يعرف الشيطان ونحن لا نعرف الشيطان لما يغوينا. وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. بشر لا يهتدي, هدهد اهتدى فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. Je l'ai trouvé, elle et son peuple, se prosternant devant le soleil plutôt qu'à Dieu. Le diable, c'est la huppe qui parle de ces gens et comme quoi le diable, regardez ce qu'il... Et le diable leur a embelli leur acte et les ayant repoussés loin de la voie, ils ne trouvent plus la bonne direction. طائر صغير, un petit oiseau. يفهم أن الملك بيد امرأة. Une seule visite à Saba, il a compris que la reine est une femme et non pas un homme. ويعرف اسم المدينة. مقلو مصر. مقلو المغرب. قال سبا. Et la huppe connaissait le nom de la ville. Il n'a pas dit Paris. Il n'a pas dit Marrakech. Il n'a pas dit le Caire. Il a dit Saba. ويفهم أنهم يسجدون للشمس. La huppe a compris qu'ils se prosternent devant le soleil et non pas devant Dieu. ويعرف أن السجود يجب أن يكون لله لا أبسي avec certitude que la prosternation doit être à Allah uniquement ويفهم أن الشيطان هو الذي أضلهم et la أب a compris connaissait que c'est Satan qui les a égarés الهدهد رأى وفهم كل شيء la أب a vu et a compris toute chose وشعب سابا لما رأى الهدهد et le peuple de Saba lorsqu'il a vu la أب ils ne lui ont pas accordé une importance ils ont dit c'est une huppe qui ne comprend pas et qui ne sait rien mais ce sont eux qui sont ignorants et qui ne connaissent rien Dieu dit وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ Il n'est pas un être qui bouge, un animal, un être qui bouge en terre, ni un oiseau qui vole de ses deux ailes, qui ne soit des nations semblables à vous. هناك أمة النمل يا لا ناسيون دي فورمي أمة النحل لا ناسيون دي زابي أمة الذباب لا ناسيون دي موش أمة الكلاب لا ناسيون دي شيان إلى آخره إكسترا لا إله إلا الله وقد حرم الله علينا ظلم الحيوانات et Dieu nous a interdit d'être injuste à l'égard des animaux. امرأة تصلي وتصوم تدخل جهنم لأنها حبستها الروح حتى ماتت. Une femme faisait le jeûne, faisait la prière sera en enfer parce qu'elle a emprisonné une chatte jusqu'à sa mort. لم تطعمها ولم تتركها تخرج لتأكل بنفسها. Elle ne l'a pas nourrie et elle ne l'a pas laissée sortir pour qu'elle puisse manger avec ses propres moyens. Emra Abari, une femme prostituée, wajadat kalban atchanan fi sahara, a rencontré un chien assoiffé dans le désert. Fa nazalat fil bi'ri. La femme est descendue dans le puits. Wa akhrajat lahu al-ma'a fi hidaiha. Ma 'inda ina. Elle n'avait pas un récipient, elle lui a sorti l'eau du puits dans ses chaussures. Faghafarallahu laha. Et Dieu lui a pardonné toute la prostitution et devenue une femme du paradis. Yaqulu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète prière et sage lui dit Inna Allah wa malaikatahu wa ahla as-samawati wal ard hatta an-namlata fi juhriha. Le prophète dit Dieu et ses anges et tous ceux qui sont dans les cieux et en terre, même la fourmi dans sa fourmilière, et même la baleine prie en faveur de celui qui enseigne le bien aux gens. Rawah al-Tirmidhi, rapporté par l'imam al-Tirmidhi ou al-Bazar et par l'imam al-Bazar. Ceci signifie anna an-namla. Ceci signifie que la fourmi en terre ou le poisson, la baleine en mer, etc. Lahum idrak ont une perception, ma'rifa une connaissance. Bimu'allim an-nas al-khayr, ils connaissent l'enseignant du bien aux gens. Wa yusalluna alayhi et prient pour lui. Ra'ina idrak al-haywan, nous avons vu la perception des animaux. Wa amurru al-an ila ma huwa akbar. Je passe maintenant à une chose énorme, plus que la perception des animaux. Idrak al-jamad, la perception de la matière immobile. Qala ta'ala, Dieu dit dans un verset coranique, Inna aradna l'amanata ala samawati wal ardi wal jibal. Hada jamad wal jibali fa abayna an yahmilnaha. Fahimu, lahum fahim. فأبين أن يحملنها وأشفقن منها خافوا لهم إحساس وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا اللي عنده العقل هو اللي ما عندوش الأصحاب عنده العقل هو اللي ما عندوش وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا Dieu dit nous avons proposé le dépôt aux cieux, à la terre et aux montagnes, mais ils refusèrent de le porter et furent remplis de crainte, ça veut dire ils ont des sentiments, ils ont compris que c'est grave, ils n'ont pas voulu la montagne, etc. l'homme l'a pourtant porté, il sera toujours un très grand injuste et un très grand ignorant. Celui qui a la tête, qui est doué d'intelligence, était celui qui est ignorant à la place des par rapport aux montagnes, etc. Elle amène le dépôt. Irtiyar était un choix volontaire. Walaysa ijbar, et n'était pas une imposition. Farafdul jibal laysa isyan, lorsque les montagnes ont refusé le dépôt, c'était pas une désobéissance, parce que c'était pas une imposition, c'était un choix que Dieu leur a offert. L'amana hiya takalif, le dépôt constitue la responsabilité que Dieu nous a, dont Dieu nous a chargé, kassalat comme la prière, kazakat comme la zakat, ila akhiri, wal mas'uliyya amam Allah, et la responsabilité devant Dieu, fas-samawat wal ard wal jibal, les cieux, la terre, les montagnes, raghma anna jamad, malgré qu'ils sont matière immobile, inerte, bi idrakiha arafat thiqalaha wa khatarha fatalabat al-ihfa, grâce à sa perception, toute ces montagnes, les cieux, la terre ont compris la lourdeur de la mission proposée par Dieu, le danger de cette mission, et ils ont demandé d'être excusés. L'homme, malgré son intelligence et sa raison, l'a accepté. Le deuxième exemple, Dieu dit dans un verset coranique, ils ont dit, le très miséricordieux s'est attribué un enfant. C'est vraiment là de votre part une monstruosité énorme. Yakadus qultum jarima, hadi jarima qultuha, yakadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda. Ma nafahimu ma qala al-bashar. Tellement énorme ce que vous avez dit, que Dieu a un enfant tellement énorme que les cieux ne sont pas loin de craquer, la terre de se fondre et les montagnes de s'effondrer. C'est-à-dire qu'ils ont compris ce que l'homme a dit, du fait qu'ils ont attribué au très miséricordieux un enfant. Donc les cieux, la terre, les montagnes ont une perception. Alimat bihi anna ba'dan nas qalu bi anna Allah lahu walad. Grâce à cette perception, ils ont su que quelques gens parmi les hommes ont prétendu que Dieu a un enfant. Wa ta'rif annaha jarima kabira, et les cieux et le reste ont compris que c'est un crime, un grand crime. Wa shirkun kabir, une grande association. Li anna Allah wahid, parce que Dieu est unique. Fa kadat an tantahi wa tazul amama hadha ad-dhanb, la terre, les cieux, les montagnes allaient, étaient sur le bord d'être exterminées et allaient disparaître devant l'énormité du péché. Laula anna Allah thabbataha, mais Dieu les a consolidés. Al-mithal al-thalith, le troisième exemple, qala ta'ala an maut fir'aun wa junudihi, Dieu dit à propos de la mort de Pharaon et de ses soldats, fama bakat alayhim as-samaa'u wal-ardu wa ma kanu mundarin, ils ne furent pleurés ni par le ciel ni par la terre et on ne leur accorda aucun délai. Qala al-ulama, les savants ont dit, bima'na anna as-samaa' wal-ard tabki 'ala al-mu'minin 'inda mawtihim, les savants ont compris que par ce verset, les cieux et la terre pleurent le croyant, les croyants après leur mort. Bima'na as-samaa' wal lahuma idrak, ça veut dire le ciel et la terre ont une perception. Ya'rifani bihi al-mu'min min ghayri al-mu'min, le ciel et la terre arrivent à distinguer le croyant du non-croyant. Wa ya'rifuna maut al-mu'min, et ils connaissent la mort d'un croyant. Al-mithal al-rabi', le quatrième exemple, qala ta'ala 'anil ardi yawm al-qiyamah ba'da an tuzalzal, Dieu dit à propos de la terre le jour de la résurrection, après son tremblement, après sa secousse, yawma idin tuhaddithu akhbaraha, ce jour-là elle comptera ces histoires. Bima ana tashhad 'ala an-nas, ce jour-là la terre va témoigner sur les gens, bima 'amilu fawqaha, de tout ce qu'ils ont fait au-dessus d'elle. Wa lan yaqbal Allah shahadataha idha kanat la ta'rif, Dieu est juste, il ne peut pas accepter son témoignage dans le cas où la terre ne comprend rien et ne sait rien. 'Ala madha satashhad, Dieu ne peut pas accepter le témoignage de quelqu'un qui ne sait pas sur quoi il va témoigner. Bima ana anna al-an laha idra, ça veut dire maintenant la terre a une perception, une connaissance parfaite de tout ce qui se passe sur elle avant de commettre le crime, avant de commettre le péché. n'oublie pas que tu es sur la terre et la terre est en train de te voir et il va témoigner. قبل أن تقوم بالمصيبة بالذنب تذكر أنك فوق الأرض والأرض تراك وستشهد عليك غدا يوم القيامة. المثال الخامس le 5e exemple جذع النخل الذي بكى على فراق النبي صلى الله عليه وسلم. Le tronc de palmier qui a pleuré devant la séparation du prophète صلى الله عليه وسلم لما تركه lorsque le prophète l'a abandonné وبدله بالمنبر et l'a remplacé par un منبر. وهذا الحديث متواتر. Ce hadith est متواتر hautement authentique. رواه كثير من الصحابة ce hadith est rapporté par plusieurs compagnons. فالجدعو احنا نرى جدع تقول هذا ما عنده ولا شيء ما يفهم ما يدري. الجدعو أحب النبي صلى الله عليه وسلم. Le tronc, nous on dit qu'il n'a aucune perception, il ne comprend rien, c'est un tronc mort. Non, il a aimé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas pu se séparer du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire qu'il a une perception propre à lui. Malgré que le tronc d'arbre mort constitue une matière inerte. Et le miracle, le miracle, c'est que Dieu a fait entendre aux compagnons ses pleurs. Mais que lui, il pleure, ça c'est naturel. Tandis que ses sentiments, les sentiments de ce tronc font partie de sa perception naturelle. Le 6e et dernier exemple, le prophète prière, ça je lui dis, inni la a'rifu hajaran bi Makkah kana yusallimu alayya qabla an ub'ath. Je connais avec certitude une pierre dans la Mecque qui me saluait avant que je sois envoyé. Inni la a'rifu al'an, je la connais cette pierre jusqu'à maintenant. رواه الإمام مسلم وأبو داود rapporté par l'imam مسلم dans son authentique et par l'imam أبو داود وروى الترمذي et الترمذي a rapporté أن الجبال والشجر في ضواحي مكة كان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم. L'imam الترمذي a rapporté que les montagnes et les arbres dans la banlieue mécoise disaient au prophète صلى الله عليه وسلم السلام عليك يا رسول الله. Que la paix soit sur toi, ô messager de Dieu. Assalamu alayka, ô messager d'Allah. Bima'na al-hajar, wal-jabal, wal-shajar, kana lahum idrak. Ça veut dire, la montagne, la pierre, l'arbre avaient une perception. Bi'annahu Rasulullah, ils comprenaient qu'ils étaient devant le messager de Dieu. Fakanu al-bashar lam ya'rifu bi'annahu Rasulullah. Les hommes, les Mekwa, les associateurs n'ont pas compris qu'ils étaient face au messager de Dieu. Mais la nature a su. بأنه رسول الله فكانوا يسلمون عليه et il le saluait. والمعجزة أن الله أسمعه سلامهم. Le miracle réside dans le fait que Dieu lui a fait entendre ses salutations. Mais le fait que eux le saluent, ça c'est naturel. وفي الأخير, et à la fin, أقول, je dis, إننا في فصل الربيع. On est dans la saison du printemps. فصل الطبيعة الجميلة. La saison de la belle et de la beauté de la nature. أخي أختي, frère, sœur, إذا رأيت جمال الطبيعة, quand tu vois la beauté de la nature, فلاتن, ستلات أشياء, n'oublie pas trois choses. أولا, أنها تسجد لله. Premièrement, que la nature devant toi se prosterne à Allah. ثانيا, أنها تسبح لله. Deuxièmement, que cette nature, ciel, soleil, arbre, fleuve, etc., se proclame la gloire et la pureté de Dieu. Troisièmement, que cette nature qui est devant toi a sa propre perception, a sa propre connaissance des choses. Méfie-toi, ne commets pas l'interdit devant la nature qui ne cesse pas de glorifier Dieu et de se prosterner à Dieu. C'est la honte que la nature obéit à Dieu et toi devant la nature tu vas désobéir à Dieu. Elle va témoigner contre toi le jour de la résurrection. La beauté de la nature au printemps doit te rappeler la beauté de son créateur الذي خلقها. إذا رأيتها فسبح بحمد الخالق. Quand tu vois la nature et sa beauté, n'oublie pas de proclamer à ton tour la louange et la grandeur et la pureté du Créateur. عارٌ, c'est la honte. أن العالم كله يسبح حولك, c'est la honte que le monde entier proclame la gloire de Dieu autour de toi. وأنت غافل, et toi tu es distrait. نسأل الله أن ينبهنا, on demande à Dieu de d'attirer notre attention. اللهم إني داع فأمنه. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. السلام.